بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد donc je fais un petit compte rendu d'où on est rendu qu'est-ce qu'on a fait à date on a fait l'introduction et puis on a commencé à expliquer les niveaux de tawhid ou les catégories de tawhid on a expliqué à tawhid al-rububiyya c'est-à-dire la souveraineté d'Allah la souveraineté d'Allah, l'unicité d'Allah dans sa souveraineté. Et Tawhid al-Uluhiyya, c'est la souveraineté ou l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et puis là, c'est dans ce chapitre-là qu'on est rendu. Et puis on a expliqué déjà plusieurs points à ce sujet-là. On a commencé par expliquer la signification de l'adoration, le lien entre l'unicité d'Allah dans l'adoration et le lien de l'unicité d'Allah dans l'adoration et dans la souveraineté, les deux vice-versa, quel rapport ça, ils ont un envers l'autre. Ensuite, on a expliqué les manières que Allah utilise dans le Coran pour appeler l'humanité à l'unicité d'Allah dans l'adoration. On a cité plusieurs versets là-dessus. Et là, on est rendu au point où le chef explique comment le shirk dans l'unicité de l'adoration, ou comment le shirk est apparu au sujet de l'adoration. Tawhid al-Uluhiyyah. Al-Uluhiyyah, ou bien, parfois on peut dire al-Ilahiyyah aussi. Al-Uluhiyyah ou al-Ilahiyyah. Ou bien on peut dire Tawhid al-Ibada. Et tout ça, ça se rapporte à l'adoration. Parce que al-Ilah, ça signifie al-Ma'bud. Donc, Ibada, ça signifie l'adoration. Donc, al-Ma'bud, c'est ce qui est adoré. Et donc, l'unicité d'Allah dans l'adoration. C'est-à-dire de faire que Allah subhanahu wa ta'ala soit le seul qui a notre adoration. Donc, on va commencer. بسم الله حدوث الشرك في توحيد الإلهية الشيخ الذي مطلوب من المسلم بعدما يعرف الحق أن يعرف ما يضاده من الباطل ليجتنبه كما يقال عرفت الشر لا للشر ولكن ليتوقيه أو لتوقيه عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية وقبل ذلك قال الخليل عليه الصلاة والسلام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فهذا مما يوجب شدة الخوف من الشرك ومعرفته ليجتنبه المسلم فالشرك هو صرف الشيء من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله donc on va commencer à expliquer qu'est-ce que le cheikh a dit dans ce passage. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh dit c'est un devoir pour le musulman, après, une fois qu'il ait connu la vérité, qu'il sache ce qui s'y oppose. Il doit connaître ce qui s'oppose à la vérité, de toute forme de mensonge ou de fausseté, dans le but de s'en écarter. Hein. Et on dit il y a des gens qui ont dit, parmi les salafs qui disaient en poésie, ils ont fait un poème, puis un de ses vers, c'est je connais le mal, j'apprends le mal, mais je ne l'apprends pas pour, je ne l'ai pas appris pour le faire, mais je l'ai appris pour pouvoir, au contraire, m'en protéger, hein, pour en être protégé. et Hudhayfah ibn al-Yaman, qui était un des Sahaba, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même que c'était un des compagnons auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait transmis son secret. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui avait révélé la liste des noms des hypocrites. Allah lui avait révélé la liste des noms des hypocrites. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam connaissait qui était un hypocrite dans les sahaba, parmi les gens qui étaient autour de lui. Sauf que, il ne les avait pas divulgués, excepté à un d'entre les sahaba, et c'était Hudhayfah ibn al-Yaman. Donc, Hudhayfah ibn al-Yaman, il dit, il dit, les gens avaient l'habitude de demander au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam toutes les questions à propos du bien. Mais moi, contrairement aux autres, je demandais toujours au sujet du mal, par la peur de tomber dans ce qui est mal. C'est-à-dire, pour ne pas tomber dans ce qui est mal, je demandais toujours, je demandais toujours au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce qui est mal, comme ça j'allais être protégé à l'avance. Et l'amir al-mu'minin, Omar ibn al-Khattab, il disait, je crains que les fils du câble de l'islam vont se défaire un après l'autre lorsque naissent dans l'islam des enfants qui n'ont pas connu la période pré-islamique ou la période avant l'islam. C'est-à-dire, on sait que par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il compare la religion à un câble auquel on doit s'accrocher. Hein, Hablullah al-Matin. Et donc, dans un câble, on sait qu'il y a plusieurs fils qui composent ce câble. Eh bien, Omar, il fait comprendre par là que, il dit, j'ai peur que ce câble, il se file un après l'autre. C'est-à-dire, le câble commence à se briser fil par fil. Lorsque naissent dans l'islam ou grandissent dans l'islam des enfants qui n'ont pas connu l'ignorance ou qui n'ont pas connu ce qu'il y avait avant l'islam, c'est-à-dire l'idolâtrie, les péchés, les formes de crime et tout ça. Pourquoi? Parce que quand ils grandissent dans l'islam, ils n'ont pas connu l'idolâtrie, ils ne connaissent pas tout ce qu'il y a de mauvais dans l'idolâtrie, ils ne connaissent pas tout ce qui est dangereux dans ces choses-là, et ils ne connaissent pas sa laideur. Donc, quand ils grandissent dans l'islam comme ça, ils sont un peu innocents, ils sont un peu naïfs, ils ne connaissent pas le mal. Alors, ils rentrent dans l'islam, mais ils se laissent, peut-être, ils vont se laisser facilement séduire par ce qui est mal, ils vont se laisser tromper facilement, plus facilement que ceux qui sont nés dans l'ignorance ou dans l'idolâtrie et qui sont entrés dans l'islam. Hein? Et c'est ce qu'on a constaté, même les enfants des Sahaba. La plupart des Sahaba, c'était des gens convertis à l'islam. Hein? Puis, si on compare l'islam de ces Sahaba avec l'islam de leurs enfants, c'est-à-dire la façon dont leurs enfants étaient comparés à leurs parents qui sont convertis, eh bien, on voit que leurs parents qui étaient convertis à l'islam étaient beaucoup plus forts. Pourquoi? Parce que justement, ils ont connu la période pré-islamique et ils ont connu l'islam et donc ils savent la distinction entre la lumière et ignorance. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Actuellement, on voit que beaucoup de gens qui sont nés dans l'islam, eh bien, ils tombent dans les mêmes péchés que les gens avant l'islam ou avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive, eh bien, ils commencent à faire les mêmes choses. Ils tombent dans des formes d'idolâtrie, ils tombent dans des formes de péché, ils tombent dans des choses, des formes de contradictions de l'islam que ils n'auraient pas fait s'ils avaient connu la djahiliya comme il faut. Et Omar ibn al-Khattab, dans une autre de ses citations, il disait « La ya'arif al-Islam, man la ya'arif al-Jahiliya ». Il disait « Celui qui n'a pas connu al-Jahiliya, c'est-à-dire l'ignorance, ou ce qui était avant l'islam, eh bien, il ne connaît pas l'islam non plus. Parce que je ne peux pas connaître l'islam sans connaître ce qui s'oppose à l'islam, ce que l'islam est venu combattre, ce que l'islam est venu détruire. Eh bien, c'est l'idolâtrie, le mal, tout ce qui est contraire à la religion. Alors, le chef, il a cité comme exemple après un verset dans lequel Ibrahim a.s. il dit « Oh Allah, fais de cette terre une terre paisible, une terre sécuritaire, et écarte-moi et mes enfants de l'adoration de l'idole. » Des idoles. Hein? Écarte-moi et mes enfants et moi de l'adoration des idoles, car, Seigneur, ils ont égaré beaucoup parmi les hommes. Donc, le chef dit, ce verset-là devrait mettre en nous la crainte de l'idolâtrie ou du chef. Hein? Et nous devrait nous inciter à vouloir le connaître. Connaître ce que c'est le chef et dans le but de nous écarter de ce que le chef est. Et pourquoi ce verset doit nous mettre la crainte? Eh bien, parce que Ibrahim, on le sait, c'est le père des prophètes, et c'est un des hommes qui a combattu le chef durant sa vie. Il a brisé lui-même les idoles de son peuple, il a rejeté l'idolâtrie, il a regardé le soleil, il a vu que le soleil se couche, il a dit, le soleil ne peut pas être mon Dieu parce que je ne veux pas adorer ce qui se couche. Il a vu la lune, il a vu que la lune est disparue après la nuit, alors il a dit, si j'adore ça, je vais être égaré, parce que mon Dieu doit me guider. Et après il a compris que tout ce qu'il a, il a dit, je rejette tout ce que vous adorez, excepté le Créateur, car c'est lui qui va me guider. Alors, il a vraiment compris la réalité de l'islam, la réalité du tawhid, et il a rejeté le shirk sur toutes ses formes. Et donc, malgré tout ça, il a quand même peur de tomber dans l'adoration de l'idole, et il demande à Allah de le protéger lui et de l'écarter ainsi que ses enfants de l'idolâtrie. Hein? Donc ça nous montre que peu importe notre niveau de savoir, notre niveau de piété, notre niveau de connaissance, on devrait toujours avoir peur de tomber dans l'idolâtrie. On devrait toujours demander à Allah de nous protéger de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais épargné. On n'est jamais à l'abri de l'idolâtrie. On ne peut pas penser que on a atteint un niveau, ça y est, maintenant on comprend l'islam et puis ça y est, on ne peut jamais tomber dans une forme de shirk quelconque, c'est impossible. Donc on doit toujours demander le support et la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce point-là. Ensuite, le shirk il dit, car le shirk c'est de donner ou d'offrir une des formes d'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il donne des exemples. Par exemple, le dua, l'invocation, al-dhabh, c'est-à-dire de sacrifier un animal pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, al-nadar, c'est-à-dire de faire un vœu pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il y a des musulmans qui font des vœux, ils vont à la tombe d'un saint, ou à la tombe de quelqu'un qui est décédé, ils prennent un morceau de ici, comme je l'ai déjà expliqué, ils attachent ça après un arbre ou après quelque chose, et puis ils disent, si le saint exauce mon vœu, eh bien moi je vais par exemple venir, je vais égorger un mouton, je vais égorger une vache, ou je vais égorger un poulet, ou quelque chose, pour remercier ce saint, et pour qu'il continue à me donner sa bénédiction, ou des choses comme ça. Donc ça c'est une autre forme de chute qu'on ne doit pas faire. Ou bien par exemple, al-istirata, c'est-à-dire lorsque tu as une détresse, lorsque tu as un malheur qui t'atteint, tu demandes à Allah, tu demandes son secours. C'est-à-dire que, je sais pas moi, tu as un accident de voiture, et là tu vois, par exemple, tu es sur la route, puis là tu vois une voiture qui s'en vient directement sur toi, et là tu cries, Ya Allah, aide-moi. À ce moment-là, tu es en détresse. Demande l'aide d'Allah, ça c'est al-istirata. Ou bien par exemple, je ne sais pas moi, tu es sur la mer, et puis il y a une grande tempête qui t'approche, et là tu demandes le secours de Dieu, ça c'est al-istirata. Et la différence en fait, al-istirata c'est un dua aussi, une invocation, mais dans un contexte spécifique, c'est-à-dire que c'est une invocation qui se fait lors d'un malheur. Hein. Lorsqu'il y a une détresse, un malheur, on est beaucoup plus sincère. On a beaucoup plus peur. Donc, on appelle ça, c'est une autre façon de l'appeler pour distinguer la situation dans laquelle on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Les mouchriquins, eh bien, ils adoraient Allah, ils adoraient, quand ils avaient une détresse, ils adoraient Allah uniquement. Et quand ils étaient sur la personne, quand ils étaient par exemple, il y a beaucoup de versets, je vais vous donner un exemple dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et les idolâtres, quand ils étaient sur la mer, s'il y avait une grande tempête, une grande, des grosses vagues et tout, et qu'ils avaient peur de mourir, alors là, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, sans lui associer rien. Mais lorsqu'ils arrivaient à la terre ferme et qu'ils étaient tous en paix et tout, et bien là, ils commençaient à continuer à adorer leurs idoles et à prendre les idoles comme intermédiaires. Après, Cheikh il dit donc de demander l'aide ou le secours d'autres que Allah dans des choses que seul Allah est capable de faire, ça c'est une idolâtrie, c'est une forme d'idolâtrie, de shirk. Le Cheikh dit « التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة وهو أصيل في بني آدم والشرك طارئ عليه. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وقال ابن القيم رحمه الله هذا القول هو الصحيح في الآية وصحح هذا القول أيضا ابن كثير. وأول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوح حين غلوا في الصالحين وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم وفعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك نسي العلم عبدت. قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ومن هذا الأثر الذي رواه البخاري عن ابن عباس في غلو قوم نوح في الصالحين وتصويرهم إياهم والاحتفاظ بصورهم ونصبها على المجالس منه ندرك خطورة التصوير وخطورة تعليق الصور على الجدران وخطورة نصب التماثيل في الميادين والشوارع وأن ذلك يؤول بالناس إلى الشرك بحيث يتطور تعظيم تلك الصور والتماثيل المنصوبة فيؤدي ذلك إلى عبادتها كما حدث في قوم نوح. ولهذا جاء الإسلام بتحريم التصوير ولعن المصورين وتواعدهم بأشد الوعيد وأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة سدا لذريعة الشرك وابتعادا عن مضاهات خلق الله تعالى. On va expliquer qu'est-ce que le chef a dit maintenant. Le chef a dit, le tawhid, ou l'unicité d'Allah dans l'adoration, ou de rendre Allah subhanahu wa ta'ala toutes les formes d'adoration à lui seul, ça, il dit, c'est la base chez les êtres humains. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est apparu par après, comme certains sociologues ou archéologues essaient d'expliquer. Par exemple, ils disent que au début les êtres humains étaient des polythéistes et puis par la suite dans l'histoire ça a évolué jusqu'à ce que les hommes découvrent le monothéisme. Alors qu'est-ce que le chef nous dit ici, c'est que c'est le contraire qui s'est produit. À la base, les êtres humains étaient tous du monothéisme. Ils croyaient tous en un seul Dieu. C'est-à-dire Adam et Ève, ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'étaient pas des idolâtres, ils n'étaient pas des polythéistes. Et leurs enfants ont continué comme ça à adorer Dieu seul pendant plusieurs générations. Hein. Et c'est après que les gens ont commencé à commettre le shirk, c'est-à-dire l'idolâtrie. C'est plus tard après. Et le shirk, il explique, il donne une preuve de ça. Il dit, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surah Al-Baqarah, le verset 213, les hommes étaient une seule communauté, une seule nation. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a fait susciter parmi eux des messagers ou des prophètes pour les avertir et pour leur donner la bonne nouvelle. Et il a amené avec eux, il a révélé à ces prophètes des livres qui contiennent la vérité pour que les hommes jugent d'après ces livres dans ce qu'ils ont de désaccord. Hein? Et Ibn Abbas, il dit, il y avait entre Adam et Noé 10 générations et ils étaient tous sur l'islam. C'est-à-dire entre Adam et Noé, il y avait 10 générations et ils étaient tous sur l'islam. Il n'y avait aucun d'entre eux qui commettait l'idolâtrie. Et donc le verset qu'on a traduit ici, on voit dans ce verset que l'humanité à cette époque était une seule communauté, un seul groupe, et ils étaient tous sur la même religion. Et Allah s'ordonna par la suite à faire venir des messagers pour les rappeler et pour les ramener, parce que lorsque les hommes ont commencé à se diviser, à commettre des actes de shirk ou des crimes, Allah s.w.t. a commencé à faire descendre sur eux des messagers avec des livres pour les guider, pour leur montrer le droit chemin, pour qu'ils puissent juger entre les hommes. Et donc, les premiers hommes étaient des musulmans. Et Ibn Qayyim, un des grands savants de l'islam, Ibn Qayyim, qui était l'élève d'Ibn Taymiyyah, il dit, cette position ou cette opinion, c'est la plus correcte au sujet de ce verset. C'est la compréhension du verset qui est la plus en accord avec la vérité. Et il dit, Ibn Kathir a également authentifié cette position. C'est-à-dire même Ibn Kathir est d'accord avec cette opinion. Et il dit, وَأَوَّلُ مَا حَدَّثَ الشِّرْكِ فِي الْأَرْضِ فِي قَوْمِ نُوحٍ. La première fois que le shirk est apparu parmi les êtres humains, c'était dans le peuple de Noé. Hein? Lorsqu'ils ont exagéré dans la vénération ou dans le respect des hommes pieux, des hommes vertueux. Ça, on en a déjà parlé. Il donne le verset dans lequel Noé dit, et ils ont dit, ne laissez pas vos divinités, vos idoles, et ne laissez pas Wad, et Soua, et Yahous, et Yahouk, et Naf. Donc, ça c'est les noms des divinités que les gens adoraient dans le peuple de Noé. C'est le nom de leurs idoles. Sauf que ces idoles-là, leur origine, c'était des hommes. À l'origine, c'était des êtres humains qui étaient très pieux, hein, très vertueux. Et Ibn Abbas nous explique aussi qui étaient ces hommes-là et qu'est-ce qui est arrivé pour qu'ils deviennent à la fin des idoles ou des divinités. Al-Bukhari, l'imam Al-Bukhari, il rapporte dans son livre, Sahih, il rapporte que Ibn Abbas a dit, ces noms-là sont les noms des hommes pieux parmi le peuple de Noé. Lorsqu'ils sont morts, le shaitan leur a inspiré à leur peuple de construire là où ils s'assoyaient, là où les gens se rassemblaient, de construire ils ont construit des statues à l'endroit où ils se réunissaient. Là, alors ils y après, et ils leur ont donné à chaque statue le nom de la personne qu'elle représentait. Hein? Alors, ils ont fait ça, et à la longue, plus tard après, ils les ont adorés. Alors, lorsque... Ah non, il dit, ils leur ont donné des noms, et ils ont construit ces statues, ils leur ont donné des noms, mais ils ne les ont pas adorés. C'est-à-dire, ils ne les ont pas adorés. Ce n'est pas eux qui les ont adorés tout de suite, ce n'est pas ceux qui ont bâti les statues, qui les ont créés, qui ont commencé à les adorer. C'est lorsque ceux qui les ont construits, lorsque eux sont morts, c'est les générations après qui sont venues, qui ont oublié pourquoi ce statut-là avait été bâti et fabriqué. Alors eux, étant donné qu'ils ne connaissaient pas la raison pourquoi ce statut-là avait été fabriqué, eh bien, par ignorance, le shaitan les a trompés et ils ont commencé à les prendre comme des divinités ou des intercesseurs pour prier et pour adorer les idoles pour aller à Allah ou pour toute autre raison. Donc, on voit que qu'est-ce que le chef veut nous faire comprendre en citant l'exemple de qu'est-ce que Ibn Abbas a dit ici, c'est que le diable, le shaitan, des fois il peut agir par shaitan, il agit à long terme, c'est-à-dire il planifie à long terme. Il sait peut-être qu'il ne sera pas capable d'égarer une telle génération, mais que peut-être dans deux ou trois générations sont piège va fonctionner et il va réussir à faire tomber dans le piège les petits-enfants ou les petits-petits-enfants de ces gens-là. Hein? Donc, quand les gens qui l'avaient construit, leur intention c'était quoi? Leur intention c'était de se rappeler de ces hommes-là parce que c'était des hommes pieux, des hommes qui faisaient le bien. Et donc, quand ils allaient voir ce statut-là, ils allaient se rappeler de leur exemple et essayer d'être aussi bon que de s'encourager à les imiter, etc. Sauf que, après que ces gens-là sont morts, les autres ont oublié et puis ils ont commencé à croire que si leurs ancêtres les avaient fabriqués, ces statues-là, c'était dans le but de les prendre comme intermédiaires pour aller à Dieu ou de les adorer directement ou tout autre chose. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont égarés. Et Ibn Qayyim dit ensuite, قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم في كتاب. Donc lorsqu'ils sont morts, ces hommes-là qui étaient pieux, les gens se sont tenus devant leur tombeau et ils ont fabriqué dessus leurs images ou leurs statues. Et lorsque le temps est passé, c'est-à-dire beaucoup de gens sont, d'autres personnes sont, ces personnes-là sont mortes, et bien plus tard après, ils ont commencé à les adorer. Et dans cette parole d'Ibn Abbas que Al-Bukhari a rapportée, au sujet de l'exagération du peuple de Noé envers les pieux, et au sujet de la construction des statues sur leur tombeau, etc. Eh bien, on peut comprendre de ça le danger de faire des images, de faire des statues et d'accrocher des photos ou des images sur les murs. Et le danger de faire des statues dans les rues et dans les places publiques. Et que ces choses-là amènent les gens à tomber dans l'idolâtrie. Parce que avec le temps, les choses évoluent et ça dégénère dans l'exagération de la vénération de ces hommes-là. Et puis, ça porte à la longue les gens à commencer à les adorer. De la même façon que l'idolâtrie a commencé dans le peuple de Noé. Après, il dit, et c'est pour cette raison-là que l'islam a interdit de faire des images et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les gens qui faisaient des photos ou des images et il les a menacés de grands châtiments. Ceux qui font des images ont été menacés de grands châtiments. Et qu'ils sont au jugement dernier ceux qui auront la plus dure punition. Et tout ça, le but de toutes ces menaces, c'est de fermer la porte à l'idolâtrie et d'éloigner les gens d'imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut juger ça, le temps moderne? Ok, mais on va en parler parce que il y a un endroit plus loin où justement le chef va parler de faire le verdict de l'islam au sujet des photos. Ouais. Et donc il va en parler et il va en parler en détail avec les preuves et tout ça. Donc d'ici par environ peut-être je pense pas qu'on aura le temps d'arriver jusque là, mais si c'est patient, inchallah, on va arriver là et on va en parler en détail. C'est mieux, je pense que c'est mieux d'attendre que d'avoir une petite réponse aujourd'hui qui ne va pas être satisfaisante. Non, mais en fait, on voit comment la photo, les images peuvent pousser les hommes ou faire tomber les hommes dans l'idolâtrie souvent. Et j'ai déjà vu des gens qui, par exemple, qui sont musulmans, qui sont musulmans, et puis qui, quand ils font un zikr, par exemple, ils se rappellent d'Allah, ils s'assoient devant la photo de leur chef, et ils commencent à faire des zikr, et ils demandent à leur chef d'intercéder envers Allah. Et il y a parmi d'autres musulmans qui se promènent toujours avec la photo d'un chef dans leur poche. Et une fois que cette photo leur apporte de la baraka, je ne sais pas. Même une fois, je me souviens, quand j'étais à Al-Madina, j'ai passé devant la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à l'endroit où il y a le dôme vert, où il y a la maison d'Aïcha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était enterré, et bien j'ai trouvé dans le bord du mur, dans un pli, quelqu'un avait mis sa photo. Il a mis sa photo à lui, ouais. Et puis là, j'ai regardé, j'ai pris la photo. Il avait écrit son nom dessus et il avait demandé des choses. Il avait écrit qu'est-ce qu'il voulait et tout. Moi, je me dis, oh, subhanallah, cette personne-là, il voulait être sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait le reconnaître. Il a mis sa photo pour dire c'est moi, voici ce que je veux, etc. Ouais. L'ignorance des musulmans, des fois, qu'est-ce que ça pousse les gens à faire. Donc, le cheikh a fait dit, « وَنُدْرِكُ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ مَدَى حِرْسُ الشَّيْطَانِ لَعَنَهُ اللَّهِ عَلَى إِغْوَاءِ بَنِي آدَمَ وَمَكْرِهِ بِهِمْ وَأَنَّهُ قَدْ يَأْتِيهِمْ مِنْ نَاحِيَةِ الْاِسْتِغْلَالِ مِنْ نَاحِيَةِ اِسْتِغْلَالِ الْعَوَاطِفِ وَدَعْوَةِ التَّرْغِيبُ فِي الْخَيْرِ فإنه لما رأى في قوم نوح بلوعهم بالصالحين ومحبتهم لهم دعاهم إلى الغلو في هذه المحبة بحيث أمرهم بنقض الصور التذكيرية لهم وهدفه من ذلك التدرج بهم في إخراجهم من الحق إلى الضلال ولم يقصر نظره على الحاضرين بل امتد إلى أجيالهم اللاحقة الذين قل فيهم العلم وفشى فيهم الجهل فزين لهم عبادة هذه الصور وأوقعهم في الشرك الأكبر وكابروا نبيهم بقولهم لا تذرن آلهتكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قد تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام بكل قوم على قدر عقولهم فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا كما في قوم نوح وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين أما خواصهم فاتخذوا الأصنام على صور الكواكب المؤثرة في العالم بزعمهم وجعلوا لهم بيوتا وسندة وحجابا وقربانا ولم يزل هذا في الدنيا قديما وحديثا وأصل هذا المذهب للمشرك الصادئة وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده وطلبوا تحريقه. وطائفة أخرى اتخذت للقمر صنما وزعموا أنه يستحق العبادة وإليه تدبير هذا العالم السفلي. وطائفة تعبد النار وهم المجوس. وطائفة تعبد الماء. وطائفة تعبد الحيوانات. وطائفة عبدت الخيل. وطائفة عبدت البقر. وطائفة عبدت البشر الأحياء والأموات. وطائفة تعبد الجن. وطائفة تعبد الشجر. وطائفة تعبد الملائكة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. Donc le cheikh il dit, et on peut comprendre à partir de cette histoire, l'histoire du peuple, des gens de Noé, comment ils sont tombés dans l'idolâtrie, et bien on peut voir comment le shaitan il a un désir ardent d'égarer les êtres humains, d'égarer les fils d'Adam. Et comment il ruse, il utilise sa ruse pour les égarer. Et il vient aux hommes, le shaitan, il vient aux hommes du côté des sentiments, du côté des émotions. Et il essaie même de les tromper, alaykoum salam wa rahmatullah, il essaie même de les tromper en leur faisant croire qu'il vient pour les inciter à faire du bien. Hein? Donc le shaitan, la'anahullah, il vient parfois pour dire aux gens, regarde, les gens qui sont morts, ils étaient pieux, ils étaient vertueux, et ben, il faut les prendre comme associés avec Allah, il faut leur demander une intercession. Ils étaient des hommes vraiment respectables, et la façon de les respecter, de les honorer, de les vénérer, et ben, c'est de construire sur leur tombeau ces statues, ces images, ces dons, et quand vous allez faire ça pour eux, et bien là, vous aurez vraiment respecté ces hommes-là. Et donc, on voit que comment ils utilisent la ruse pour tromper les êtres humains et leur faire croire que de faire le shirk, c'est une chose qui amène au bien. Après, il explique et il dit, lorsque le shaitan a vu que dans le peuple de Noé, il y avait cet amour pour les hommes pieux et pour les gens vertueux, eh bien, il a utilisé ça pour les tromper. Il les a appelés à exagérer dans cet amour qu'ils avaient pour les gens pieux. Et il leur a demandé de construire ces statues et ces images au-dessus de leur tombeau. Et le but du shaitan de faire ça, c'était de les faire tomber graduellement dans l'idolâtrie, de les faire sortir graduellement de la vérité vers l'égarement. Et le shaitan, comme on a dit tout à l'heure, il n'a pas seulement limité sa vision à la génération qui était présente à cette époque-là, à court terme seulement, non. Il a même pensé à long terme, les enfants qui allaient venir après et les petits-enfants qui allaient venir après, lorsque la science allait être perdue, qu'est-ce qui allait arriver? Ben, ces gens-là allaient tomber dans l'idolâtrie aussi. Alors, il leur a embelli l'adoration de ces statues et il les a fait tomber dans le shirk majeur. Et même que ils étaient tellement orgueilleux qu'ils ont même opposé leur prophète en disant, ne laissez pas tomber vos idoles, ne laissez pas tomber vos divinités. Et donc, c'est comme s'ils s'opposent au messager avec orgueil et arrogance même. Et Ibn Qayyim al-Jawziya, il explique aussi comment le diable a trompé les idolâtres de différentes façons. Il dit, le shaitan a réussi à tromper les idolâtres dans l'adoration des idoles de différentes façons. Et à chaque peuple, ils la récitent à l'étranger selon le niveau de leur intellect ou selon le niveau de leur raison. Chacun d'une façon spécifique. Ils les apprennent chacun à leur façon. Donc, il y a un groupe d'entre eux qui l'a appelé à adorer, à aller adorer les idoles du point de vue de la glorification des morts dans le but de les glorifier et de faire leur image et leur statue, comme dans le peuple de Noé. Et ça, c'est la cause de l'idolâtrie dans la plupart des peuples parmi les musulmans. Mais il y a une autre catégorie de gens qui sont tombés dans l'idolâtrie ou dans le shirk, et ceux-là sont des gens plus spécifiques, et ceux-là ont des... Le diable a usé avec ceux-là des ruses plus sophistiquées, hein, si on veut. Il a utilisé avec eux des ruses plus sophistiquées. C'est ceux qui ont pris des idoles et qui les ont... Donc, comme on avait commencé à expliquer ce que le Qayyim a dit, bon, on va poursuivre. Le chef, il disait que la plupart des mouchriquins, la façon dont le diable les a trompés pour tomber dans l'idolâtrie, c'est qu'il les a attrapés par leur amour pour les frères ou pour les hommes vertueux. Il les a attrapés par ça parce qu'il sait que ces gens-là aiment les gens vertueux et ils veulent montrer leur. Non, comme ils veulent glorifier ces gens-là parce qu'ils sont des gens vertueux. Donc, pour montrer, pour les attraper, il leur a fait croire que de faire des statues et des images de ces gens-là et de construire des dons sur leurs tombeaux et tout ça, ça c'était une façon de les glorifier. Et donc, à cause de leur ignorance, ils sont tombés dans l'idolâtrie à ce sujet-là. Par contre, il y a une autre catégorie d'idolâtrie. Qui eux, le diable les a tentés d'une façon plus sophistiquée, si on veut, c'est parce qu'ils sont allés dans des niveaux d'idées plus sophistiquées. Par exemple, ils ont représenté chaque étoile ou constellation par une idole dans ce monde. Okay? Et puis, ils attribuent à cette constellation ou à cette. Étoile ou un arbre dans le ciel, une idole qui la représente sur la terre. Et il a dit, il croit que ces étoiles ou ces arbres dans le ciel affectent le monde qu'on vit dans, le monde où on vit. Et donc, il croit qu'ils ont une influence dans la vie des gens. Et il dit, ça c'est la base de la. Du shirk de Asabi'a, hein. C'était le peuple d'Ibrahim, alayhissalam. Ces gens-là qui regardaient dans les étoiles et puis qui avaient fait des idoles ou des statues qui représentaient les astres dans le ciel. Et donc, comment et on voit que, par exemple, Ibrahim, il a débattu avec eux. Il a démontré la fausseté de ces idoles, il les a cassées avec ses preuves, avec sa connaissance, et il a aussi détruit ces idoles avec sa main, hein, et même qu'ils ont voulu même le brûler, ils ont même voulu essayer de faire brûler Ibrahim, sauf que Allah a rendu le feu doux, et puis et doux pour Ibrahim, c'est-à-dire le feu ne l'a pas consumé, ne l'a pas brûlé. Et un autre groupe parmi les mouchriquins, autre que le peuple d'Ibrahim, eh bien, ils ont pris la lune comme idole. D'autres ont pris, ils ont cru que la lune mérite d'être adorée. D'autres ont ils ont cru que la lune mérite d'être adorée et qu'elle a un contrôle de ce bas monde. Alors un autre groupe a pris le feu comme idole, et ça c'est le groupe des Majus. Un autre groupe a pris l'eau comme idole, d'autres ont pris les animaux, d'autres ont adoré le cheval, d'autres ont adoré la vache, d'autres ont adoré des êtres humains vivants ou morts. Quoi, c'est l'eau? Oui, Alma. Le loup? Non, l'eau. L'eau. L'eau? Ouais. Ah, je l'ai dit. Ils ont adoré la mer ou ils ont adoré les serpents. D'autres, ils ont adoré les djinns. Comme par exemple en Haïti, là, les cousins qui adorent les lois. Ça, c'est en fait les djinns qu'ils adorent. Hein? Et une autre partie ont adoré les arbres. Et une autre partie ont adoré les anges, etc. etc. Chaque groupe de mouchriquins ont adoré quelque chose en particulier. Et le chef dit, وَبِهِ تَعْرِفُ مَعْنَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يُشْرِكِ اللَّهِ فَكَأَنَّمَا فَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ وقوله تعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا donc il dit et c'est peut-être lorsqu'on entend ou après avoir entendu les paroles de Qayyim, eh bien on peut comprendre la signification de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans plusieurs versets du Coran qu'il mentionne. Il cite par exemple un verset dans lequel Allah dit, au dernier cours même on a donné cet exemple là, on a parlé de ce verset là, celui qui associe à Allah quelque chose par adoration ou qui commet le shirk, eh bien c'est comme quelqu'un qui tombe du ciel et que les oiseaux s'arrachent pendant qu'il tombe, ou bien quelqu'un qui que le vent souffle à un endroit éloigné. Donc le cheikh avait même expliqué la signification de ce verset-là. Il avait dit que Allah subhanahu wa ta'ala compare le tawhid, l'unité d'Allah, au ciel, dans sa grandeur, dans sa largesse, dans son étendue, et il compare le shirk avec la parfaite, c'est-à-dire cet homme-là, il tombe, c'est-à-dire il quitte le tawhid pour tomber vers les parfaites du shirk, de l'idolâtrie. Que cet homme tombe, quitte le torchis, c'est-à-dire il a laissé le torchis, il tombe vers ce qui est bas. Hein? Et les arbres, les oiseaux qui arrivent pour l'accrocher et le déchiqueter pendant qu'il tombe, eh bien, il les compare aux, ce sont les diables, en fait, qui viennent pour l'égarer et l'arracher du droit chemin. Hein? Et puis, il compare aussi ça avec le vent qui souffle la personne. En fait, le vent qui souffle la personne d'un côté éloigné, eh bien, il le compare avec les passions. Parce qu'en arabe, le mot le vent et le mot passion, eh bien, ils sont proches l'un des autres. Les uns des autres. Alors, c'est pour ça que ces passions, le fait d'adorer autre qu'Allah ta'ala et cette passion pour les idoles, et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, eh bien, ça l'égare et ça l'amène. Un endroit éloigné, c'est-à-dire vers l'égarement. Et un autre verset, c'est le verset dans lequel Youssef, alayhissalam, lorsqu'il était en prison, hein, eh ben, il était avec des prisonniers, deux de ses compagnons dans la prison, et en même temps, il profitait de cette occasion pour les appeler à l'unicité d'Allah. Et il leur donnait des preuves qu'ils devaient adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et donc, il dit, est-ce qu'il est préférable selon vous d'adorer plusieurs seigneurs tout divisés et éparpillés, ou bien d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, l'unique, est celui qui a le pouvoir sur toute chose, ou bien Al-Qahhar est un des noms d'Allah. Alors, après, Yusuf il leur dit, ce que vous adorez en dehors d'Allah, ce sont seulement des noms que vous avez inventés, vous et vos pères. Et Allah n'a fait défendre à propos de ces noms-là aucune autorité, aucune preuve. Hein? Le jugement n'appartient qu'à Allah. Et Allah a adoré, et Allah a ordonné que vous n'adorez rien en dehors de lui. Voilà la religion de la droiture, mais la plupart des gens ne le savent pas. Hein? Donc ça c'est le discours que Yusuf a fait à ses compagnons dans la prison pour les appeler au tawhid, pour les appeler à l'unicité d'Allah. Donc ça, ça nous montre en même temps l'exemple de Yusuf, qu'il n'y a pas un endroit spécifique ou un moment spécifique pour appeler les gens au tawhid. On peut être n'importe où, même en prison, et puis appeler les gens au bien. Et on voit même actuellement dans les prisons américaines, et même parfois peut-être même au Canada, il y a beaucoup de gens qui se convertissent à l'islam, même dans les prisons. Hein? Donc ça, c'est un rappel pour nous. Et la parole aussi, un autre verset dans lequel Allah a dit, Allah vous donne comme exemple un homme qui est possédé par plusieurs maîtres, et un autre qui est esclave d'un seul homme, c'est-à-dire un homme qui a plusieurs maîtres et un autre qui a un seul maître. Et ben, est-ce que les deux sont égaux? Hein, alhamdulillah, les deux ne sont pas égaux. Hein, imaginez la personne qui a 10 maîtres, et bien chacun de ses maîtres lui demande de faire quelque chose de différent. Alors il ne sait plus lequel il doit obéir en premier, lequel il doit obéir en deuxième, il ne sait plus qu'est-ce qu'il doit faire à quel moment, il ne sait plus quoi faire. Alors trop de maîtres. Et bien c'est l'exemple du mouchrik. Le mouchrik, il a trop de dieux, il ne sait plus lequel servir. Il ne peut pas être sur le droit chemin à cause de ça. Tandis que celui qui a un seul maître, eh bien, c'est facile pour lui de le servir et de l'obéir et de montrer, de remplir ses devoirs envers lui. Et le chef ici, وَهَاُلَا الْمُشْرِكُونَ لَمَّا تَرَكُوا عِبَادَةَ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَهِيَ الَّتِي خُلِقُوا مِنْ أَجْلِهَا وَبِهَا سَعَادَتُهُمْ اتلوا بعبادة الشياطين وتفرقت به الأهواء والشهوات كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان فلا اجتماع للقلوب ولا صلاح للعالم إلا بالتوحيد كما قال تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ولذلك إذا خلت الأرض من التوحيد قامت القيامة قال كما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله ومثل تفرق المشركين الأولين في عبادتهم ومعبوداتهم تفرق القبوريين اليوم في عبادة القبور فكل منهم له ضريح خاص يتقرب إليه بأنواع العبادة وكل طائفة من الطرق الصوفية لها شيخ اتخذه مريد ربا من دون الله يشرع له من الدين ما لم يأذن به الله وهكذا تلاعب الشيطان ببني آدم لا نجاة من شره ومكره إلا بتوحيد الله والاعتصام بكتابه وسنة رسوله نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه هو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Donc, le chef il dit, et voilà comment les mushrikim, lorsqu'ils ont oublié le tawhid, Voilà comment les mouchriquins, lorsqu'ils ont laissé tomber le tawhid, lorsqu'ils ont laissé tomber l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, alors le tawhid qui est en fait le but de leur création, le but de leur existence, et qui contient en fait leur bonheur, et bien lorsqu'ils ont laissé tomber ça, ils ont été frappés d'un grand malheur, et ce malheur c'est l'adoration des shayatins, des diables, et leur passion, et ils ont été divisés par leur passion et leur désir. Et l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, il a dit, ils se sont enfuis de l'esclavage ou de la servitude pour laquelle ils ont été créés. Ils se sont enfuis de la servitude pour laquelle ils avaient été créés. Et comme punition de s'être enfuis de cette servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien Allah subhanahu wa ta'ala les a punis en les rendant esclaves de leurs passions, des passions de leur âme et des passions et de l'esclave, et les a rendus esclaves du shaitan. Donc, c'est ce qui arrive à toute personne qui refuse de soumettre son âme à Allah subhanahu wa ta'ala et de devenir un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, un serviteur du Créateur de l'univers, et bien il devient esclave de toutes choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Devient esclave de ses passions, devient esclave de ses désirs, devient esclave du shaytan, devient esclave de tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, il n'est pas possible d'unir les cœurs, et il n'est pas possible de réformer le monde, de l'amener à quelque chose de meilleur sans avoir une compréhension du tawhid. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, est-ce qu'ils ont pris en dehors d'Allah des divinités de la terre? Et si sur la terre il y avait plus qu'une divinité, alors une divinité en dehors d'Allah, alors le monde allait faire périr. Alors gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du trône, de tout ce qui lui associe, de tout ce qui lui attribue de fausseté. Et le chef il dit, et c'est pour cette raison que si sur terre il n'y avait plus de tawhid, alors c'est à ce moment-là que vient le jugement. Le jugement dernier arrive lorsqu'il n'y a plus de tawhid sur la terre. Et ça c'est rapporté dans un hadith rapporté par l'imam muslim. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jugement, ou l'heure du jugement ne viendra pas tant qu'il y a sur terre des gens qui disent Allah, Allah. Donc tant que sur la terre il y a quelqu'un qui dit Allah, Allah, le jugement dernier ne va pas commencer. C'est-à-dire, et il y a un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la taqumu sa'a illa ala ashrar al-nam. Le jugement dernier ne viendra que sur les pires des créateurs. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne sur terre qui va rester contre même le nom d'Allah. Et après le chef, il dit, de la même façon que les idolâtres, les premiers idolâtres se sont égarés avec leurs adorations des idoles, etc. Et bien, de la même façon, les gens qui adorent les tombeaux aujourd'hui et qui adorent les saints, eh bien, eux aussi se sont égarés dans cette affaire-là et ils se sont divisés à ce sujet-là. Hein? Alors, chacun d'entre eux, par exemple, il a un tombeau particulier qu'il va visiter et qu'il adore et qu'il croit que ce tombeau-là, il est plus fort pour répondre à ses prières que notre tombeau. Hein? Tu vois, il y en a chaque groupe. Parmi ces gens-là qui adorent les tombes, eh bien, ils pensent que leur tombe ou leur saint est plus fort que les autres. Et donc, ils vont dire aux gens, venez voir mon saint parce que lui, il exauce les prières, il guérit les malades, que tu vas avoir tout ce que tu lui demandes, tu vas te le donner. Hein? Et les autres vont à un autre, peut-être qu'ils croient exactement la même chose, etc., etc. Donc, on voit comment ils se divisent entre eux, et ils comparent aussi l'exemple des gens qui suivent les Turuq, ou les tariqas des soufis. Hein? Chaque tariqa a un cheikh qu'ils ont pris comme seigneur en dehors d'Allah. Et les mourides de ce cheikh, c'est-à-dire ceux qui suivent ce cheikh, eh bien, ils croient qu'ils doivent obéir au cheikh dans tout ce que le cheikh dit. Et même si parfois ce que ce cheikh-là va leur dire est contraire aux paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et même si le cheikh se trompe, eh bien, ils croient qu'il est obligatoire de l'obéir dans tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il fait, etc. Donc, on voit comment ces gens-là se sont égarés, même dans se sont divisés, parce qu'il y a, comme on sait, il y a des centaines et des centaines de Turuq soufis dans chaque pays musulman. Et ça, on va en parler, l'exemple de ces choses-là, on va en parler plus en détail plus tard, parce qu'il y en a, des explications sur ce sujet-là plus tard, plus loin dans le livre. Et donc, le chef, il dit, et c'est de cette façon que le diable a joué avec les fils d'Adam, et il n'y a pas de façon, il n'y a aucun moyen de se sauver de ces ruses, sauf en comprenant et en appliquant le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en s'accrochant au Coran et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous montre la vérité et qu'il nous donne la force de la suivre, et qu'il nous montre le faux comme il est, et qu'il nous donne la force de nous en écarter. Et c'est lui notre maître, alors quel bon maître et quel bon secoureur. Donc on va arrêter ici aujourd'hui, Inch'Allah, et puis on va continuer encore la semaine prochaine pour la suite, Inch'Allah.